Où donc s'arrêtera l'homme séditieux? L'espace voit, d'un œil par moments soucieux, l'empreinte du talon de l'homme dans les nues. Il tient l'extrémité des choses inconnues. Il épouse l'abîme, à son argile unie. Le voilà maintenant, marcheur de l'infini. Où s'arrêtera-t-il, le puissant réfractaire? Jusqu'à quelle distance ira-t-il de la terre? Jusqu'à quelle distance ira-t-il du destin? L'âpre fatalité se perd dans le lointain. Toute l'antique histoire, affreuse et déformée, sur l'horizon nouveau, fuit comme une fumée. Les temps sont venus. L'homme a pris possession de l'air, comme du flot, la grève et l'alcyon. Devant nos rêves fiers, devant nos utopies, ayant des yeux croyants et des ailes impies, devant tous nos efforts pensifs et haletants, l'obscurité sans fond fermait cette de battant. Le vrai champ enfin s'offre aux puissantes algèbres. L'homme vainqueur, tirant le verrou des ténèbres, dédaigne l'océan, le vieil infini mort. La porte noire cède et s'entrebâille. Il sort.